est infinie et mes rêves sont fous. La mer chante au soleil en battant les falaises et mes rêves légers ne se sentent plus d'aise de danser sur la mer comme des oiseaux sous. Le vaste mouvement des vagues les emporte, la brise les agite et les roule en ses plis. Ils feront une escorte au vaisseau que mon cœur dans leur fuite a suivi.